Écoute. C'est vrai sur le papier. Vous allez écouter avec attention les phrases suivantes. Ce gendarme fera carrière? Oui, c'est une personne intelligente. Et qui est surtout dans les petits papiers du commissaire? Une société sans crime, sans vol et sans agression, ça n'existe que sur le papier. C'est le troisième formulaire que j'envoie et je n'ai toujours pas de réponse. Avec de la patience, on vient à bout de tout. Je sais bien que tout vient à qui sait attendre, mais je commence à en avoir assez, moi, de tous ces ronds de cuir et ces gras de papier qui n'ont rien d'autre à faire que de nous faire perdre du temps. Avec les bureaucrates, tu sais qu'il ne faut pas espérer que les alouettes nous tombent toutes rôties dans la bouche. Que veux-tu? Il faut prendre son mal en patience. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais dans les petits papiers du chef de bureau? J'ai quelque chose de très important à lui demander. Tu m'accompagnes dans son bureau? Voilà 6 ans maintenant que j'attends une réponse à propos du fameux permis de construire dont je te parlais hier. 6 ans, tu te rends compte? Tout vient à qui sait attendre, comme dit le proverbe. Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai sur le papier. Mais en réalité, il faut savoir prendre son mal en patience, en sachant que, de toute façon, les alouettes ne tombent jamais toutes rôties dans la bouche. Conversation. Un homme scrupuleux. Monsieur, ça fait plus d'une heure que je fais la queue pour avoir un simple formulaire. Tout le monde fait la queue pour un simple formulaire, madame. Prenez patience. Mais enfin, c'est scandaleux. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Il faut que je fasse mes courses, que je fasse le ménage, que je prépare le déjeuner, que j'aille chercher les enfants à l'école. Je vous répète, madame, que tout le monde ici est logé à la même enseigne. Attendez donc votre tour. Oh, les fonctionnaires, tous les mêmes. Moins ils en font, et mieux ils se portent. Je fais mon travail, madame. Votre travail? Vous appelez ça travailler? Rester toute la journée assis derrière un guichet et distribuer des formulaires et des circulaires aux gens et prendre plaisir à les faire attendre le plus possible? Je ne distribue pas des prospectus, madame, mais des papiers officiels. Et je dois aussi vérifier s'ils ont été bien remplis. Et vous avez besoin d'une heure chaque fois? Je suis un homme scrupuleux, moi, madame. Scrupuleux? Scrupuleux. Parfaitement. Moi, je dirais paresseux. Écoutez, si vous êtes venu pour essayer de me vexer, vous perdez votre temps. Je suis venu pour retirer un morceau de papier, une simple feuille de papier. Prenez patience ou adressez-vous à mon chef. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Où puis-je trouver votre chef? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Comment pas possible? J'étais absent. Repassez demain. Monsieur, ça fait plus d'une heure que je fais la queue pour avoir un simple formulaire. Tout le monde fait la queue pour un simple formulaire, madame. Prenez patience. Mais enfin, c'est scandaleux. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Il faut que je fasse mes courses, que je fasse le ménage, que je prépare le déjeuner, que j'aille chercher les enfants à l'école. Je vous répète, madame, que tout le monde ici est logé à la même enseigne. Attendez donc votre tour. Ah, les fonctionnaires, tous les mêmes. Moins ils en font, et mieux ils se portent. Je fais mon travail, madame. Votre travail? Vous appelez ça travailler? Rester toute la journée assis derrière un guichet et distribuer des formulaires et des circulaires aux gens? Et prendre plaisir à les faire attendre le plus possible? Je ne distribue pas des prospectus, madame, mais des papiers officiels. Et je dois aussi vérifier s'ils ont été bien remplis. Et vous avez besoin d'une heure chaque fois? Je suis un homme scrupuleux, moi, madame. Scrupuleux? Scrupuleux, parfaitement. Moi, je dirais paresseux. Écoutez, si vous êtes venu pour essayer de me vexer, vous perdez votre temps. Je suis venu pour retirer un morceau de papier, une simple feuille de papier. Prenez patience ou adressez-vous à mon chef. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Où puis-je trouver votre chef? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Comment pas possible? Il est absent. Repassez demain. hors la loi. Monsieur, votre carte d'identité est périmée depuis 6 mois. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous demande de la renouveler. Et vous ne vous êtes jamais préoccupé de le faire faire plus tôt ? Non, pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir aujourd'hui ? Je dois partir à l'étranger, un voyage d'affaires. Vous savez bien que chaque citoyen doit être en possession de sa carte d'identité, qu'il aille à l'étranger ou pas. C'est la loi. D'accord, j'ai eu tort. Vous me la faites pour quand alors, cette carte ? Je ne sais pas si je peux vous la renouveler. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut que j'en parle à mon supérieur. Pour quel motif ? Pour les 6 mois de retard, monsieur. Mais enfin, je n'ai commis aucun crime. Ce n'est pas le problème. Vous êtes un hors-la-loi depuis 6 mois. Et je dois, c'est mon devoir, en informer mon chef. Hors-la-loi, moi ? Oui. À cause d'une carte d'identité périmée ? Oui. Informez votre supérieur, alors. Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Pas ce matin, il vient de sortir. Cet après-midi, alors ? Peut-être, s'il n'a pas d'autres affaires à régler. Je dois partir à l'étranger, madame. Je dois prendre l'avion lundi prochain. Elle sera prête, ma carte, lundi prochain ? Peut-être. Oui ou non ? J'en ai assez, moi, de ces réponses de Normand. Il fallait y penser plus tôt, monsieur. Vous aviez 6 mois pour vous préoccuper. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Vous prenez votre mal en patience et vous vous présentez ici même demain matin. Au revoir. Monsieur, votre carte d'identité est périmée depuis 6 mois. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous demande de la renouveler. Et vous ne vous êtes jamais préoccupé de le faire faire plus tôt ? Non, pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir aujourd'hui ? Je dois partir à l'étranger, un voyage d'affaires. Vous savez bien que chaque citoyen doit être en possession de sa carte d'identité, qu'il aille à l'étranger ou pas. C'est la loi. D'accord, j'ai eu tort. Vous me la faites pour quand alors, cette carte ? Je ne sais pas si je peux vous la renouveler. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut que j'en parle à mon supérieur. Pour quel motif ? Pour les 6 mois de retard, monsieur. Mais enfin, je n'ai commis aucun crime. Ce n'est pas le problème. Vous êtes un hors-la-loi depuis 6 mois. Et je dois, c'est mon devoir, en informer mon chef. Hors-la-loi, moi ? Oui. À cause d'une carte d'identité périmée ? Oui. Informez votre supérieur, alors. Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Pas ce matin, il vient de sortir. Cet après-midi, alors ? Peut-être, s'il n'a pas d'autres affaires à régler. Je dois partir à l'étranger, madame. Je dois prendre l'avion lundi prochain. Elle sera prête, ma carte, lundi prochain ? Peut-être. Oui ou non ? J'en ai assez, moi, de ces réponses de Normand. Il fallait y penser plus tôt, monsieur. Vous aviez 6 mois pour vous préoccuper. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Vous prenez votre mal en patience et vous vous présentez ici même demain matin. Au revoir. Unité 69. Prise de parole. Chauffeur et chauffard. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes concernant l'automobile. Je viens d'acheter une nouvelle automobile. Tu veux la conduire ? Oh oui, donne-moi les clés. Et si on faisait un beau voyage ? Oui, mais pas en auto. C'est trop fatigant. Je ne retrouve plus les clés de la voiture. J'ai dû les oublier au restaurant. Il faut que vous alliez dans les voitures de tête, monsieur, parce que les voitures de queue s'arrêtent à la frontière. Il n'est pas question que je vienne avec toi à Paris en voiture. Tu conduis beaucoup trop mal. Messieurs, mesdames, en voiture. Le train va partir. Je préfère me déplacer en autobus. Il y a trop de circulation aux heures de pointe et aussi trop de chauffards. Mais il n'y a pas un seul taxi dans toute la ville. Ce n'est pas possible. Si, quand les chauffeurs de taxi sont en grève. Ma voiture est en panne. Nous ne pouvons pas aller à Lyon en auto comme nous avions décidé. Il va falloir prendre le train. On pourra toujours louer une voiture avec chauffeur sur place. Ça résoudra le problème. Il faut absolument que vous veniez voir ma nouvelle voiture. C'est un bijou. Il y a trop d'automobilistes sur les routes. Et si je pense que la moitié d'entre eux sont des chauffeurs du dimanche, j'en ai la chair de poule. C'est votre dernière leçon de conduite avant l'examen, mademoiselle. Faites bien attention à tous les conseils que je vais vous donner. C'est ton troisième zéro de conduite en un mois. Je me demande si au moins tu apprends quelque chose à l'école. Prise de parole. Problème avec l'embrayage. Voici maintenant quelques phrases à propos de la mécanique. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Il faut absolument que j'aille chez un mécanicien. Le moteur de ma voiture fait un drôle de bruit. Ce sont peut-être simplement les amortisseurs. J'ai des problèmes avec l'embrayage. Bon, nous allons donner un coup d'œil à la boîte de vitesse. Il faut changer de vitesse avant les virages, pas après. Tu veux dire que je ne sais pas conduire? Nous ne sommes pas pressés, voyons. Pourquoi est-ce que tu conduis à toute vitesse? Je n'aime pas perdre mon temps en voiture. Si tu continues comme ça, c'est à l'hôpital que tu le perdras, ton temps. Excuse-moi si je suis en retard. Il y avait un embouteillage terrible sur l'autoroute. Oui, mais change-toi en vitesse. Les invités vont bientôt arriver. Quelque étonnant que cela puisse te paraître, je te jure que je ne m'étais pas aperçu qu'on m'avait volé mes pare-chocs. Quoiqu'il ait eu plusieurs accidents de la route, et bien qu'on lui ait retiré le permis de conduire, il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Si jeune qu'il soit, il a déjà la passion des automobiles. Quelque courage que vous ayez, vous n'irez pas loin avec cette vieille voiture. Même si on me promettait 1 million, jamais je ne roulerais sans frein. Encore que le compteur kilométrique et l'indicateur de vitesse ne fonctionnaient pas, c'était une voiture d'époque magnifique. Quand bien même la route serait déserte, tu ne dois pas rouler si vite. Il faut que l'électricien auto change le klaxon de ma voiture, les phares, les essuie-glaces, le tableau de bord et l'antivol. Ça va me coûter une fortune. Il vaudrait peut-être mieux changer de voiture alors. J'ai dû laisser ma voiture chez le carrossier après mon accident. Il a dû refaire le capot et les pare-chocs. Prise de parole. Interdiction de stationner. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur le code de la route. Il ne faut pas que tu suives cette voiture de trop près. Si elle freine, tu peux avoir un accident. J'ai une leçon de conduite demain. Si tu veux, tu peux venir me chercher à l'auto-école vers 6 heures. Tu connais bien le code de la route? Oui, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Parce que tu viens de te garer. Et alors, c'est interdit? Oui, regarde là, le panneau de signalisation. Interdiction de stationner. Attention, tu ne peux pas prendre cette rue. Elle est en sens interdit. Sens interdit, sens unique. Il est 3 heures du matin, tout le monde dort. Si tout le monde dort comme toi, on risque vraiment d'avoir un accident. Tu ne vas quand même pas doubler cette voiture. Pourquoi? Il n'y a personne. Et ce panneau d'interdiction de dépasser? Tu viens de brûler un stop, mais tu es fou! Fais attention à ne pas brûler ce feu rouge. Il est mal placé et presque personne ne le voit. Il est fada, celui-là. Tu as vu? Il vient de franchir la ligne continue et il refuse toutes les priorités. Il n'est pas question que je suive ce camion d'aussi près. Un accident de la route est si vite arrivé. Tu ne conduis plus? Non. Depuis mon accident de travail, je préfère me déplacer en bus ou bien en train. Toi qui n'aimais pas les transports en commun? Les accidents de la vie, mon cher. Comment se fait-il qu'il y ait souvent des incidents diplomatiques entre ces deux pays? Ce sont de toute façon des incidents sans importance, que tout le monde oublie très vite. Prise de parole. Au détour du chemin. Voici maintenant quelques phrases sur les voyages en voiture. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Ce matin, je me suis réveillé avec l'humeur voyageuse. Et si nous partions en voyage? Je crains que mon patron ne soit pas de cet avis. Cette année, j'ai envie de voir du pays. Et moi, j'empêcherai que tu ne partes. Pourquoi? Parce que tu dois faire des économies pour finir de payer la voiture, l'appartement que tu viens d'acheter à Antibes, et n'oublie pas que tu dois de l'argent à ton frère. Non, moi je ne pourrai jamais vivre à l'étranger. À cause du mal du pays? Je ne doute pas que tu ne conduises bien, mais ne roule pas si vite, j'ai peur. Les gens du pays sont un peu méfiants, tu ne trouves pas? À l'étranger, il faut accepter les habitudes du pays, sinon notre voyage risque de devenir un enfer. Nous venons de faire un bon bout de chemin. Nous pourrions faire une halte dans le prochain village. Excellente idée. J'ai besoin de marcher un peu, moi. Écris-lui avant qu'il ne parte en voyage. Tu lui dois bien ça. Cette voiture est moins rapide que je ne pensais. Nous pourrions faire un détour de quelques kilomètres pour aller visiter ce château, à moins que tu ne veuilles arriver à Paris le plus vite possible. Il s'arrêtait toutes les heures, de peur que je ne sois fatiguée. C'est un homme plein d'attention, tu vois. Je n'aime pas conduire la nuit toute seule en pleine campagne. On ne sait jamais ce que l'on peut rencontrer au détour du chemin. À force de faire de grands détours pour éviter tous les feux rouges de la ville, nous avons perdu plus de temps que si nous nous étions arrêtés normalement, comme tout le monde. Dis-moi sans détour si tu as peur quand je conduis. Non, quand tu conduis lentement, je n'ai pas peur. Quand tu respectes les panneaux de signalisation, je n'ai pas peur. Mais tu dois avouer que c'est plutôt rare. Écoute. Un fou du volant. Vous allez écouter maintenant avec attention quelques phrases formées à partir de quelques expressions imagées. Allez, appuie sur le champignon, nous sommes terriblement en retard. Je fais ce que je peux, mais c'est une vieille voiture. Et même si j'écrase l'accélérateur, elle n'ira pas plus vite. Il y a trop de gens qui roulent à tombeau vert sur l'autoroute. Tu l'as remarqué, toi aussi? Oui, ça devient effrayant. Tu as vu? Il double tout le monde, celui-là, avec sa voiture de sport. Oui, pour ce fou du volant, j'ai l'impression que le code de la route n'existe pas. Si tu t'aperçois en cours de route que le moteur recommence à faire un drôle de bruit, arrête-toi et téléphone à un mécanicien. Tu lui as vraiment dit qu'il ne savait pas conduire? Tu sais bien qu'il se vexe pour un rien. Bien sûr, je n'y suis pas allé par quatre chemins. Je lui dis très clairement que c'était un chauffeur du dimanche et un fou du volant. Il a brûlé trois feux rouges et deux stops en 10 kilomètres. Tu te rends compte? C'est inutile de vous énerver de la sorte, monsieur. C'est vous le responsable de cet accident. Un point, c'est tout. Allez, passez votre chemin. Vous voulez me provoquer, monsieur, mais je ne tomberai pas dans le panneau. Et mon chemin, je ne le passerai que lorsque l'affaire sera réglée. Conversation. Quel piéton? Bien, c'était votre dernière leçon de conduite avant l'examen, mademoiselle. Oui. Selon vous, vous êtes prête à vous lancer sur les routes? Évidemment. Cela fait 6 mois que je conduis maintenant. Il n'y a pas de problème et je n'ai plus peur de tenir un volant entre les mains. Vous, vous n'avez peut-être plus peur, mais moi si. Pourquoi? La leçon ne s'est pas bien passée? Je n'ai pas eu d'accident. Parce que j'étais à côté de vous. Parce que je vous demandais de ralentir toutes les 5 minutes. Parce que je vous signalais les stops et les sens uniques que vous n'aviez pas remarqués. Je ne les avais pas remarqués parce que vous parliez sans arrêt. Je ne peux pas conduire avec quelqu'un qui bavarde tout le temps, ça me distrait. Et le piéton? Quel piéton? Le piéton que vous avez failli écraser. C'était de sa faute. Il ne devait pas traverser au moment où le feu passait au vert. Alors, si je n'avais pas été là, vous ne vous seriez pas arrêté? Non. Et vous l'auriez écrasé? Mais non. Je lui aurais fait peur, c'est tout. Ça lui aurait servi de leçon et il n'aurait pas recommencé. Et l'autoroute? Il n'y avait pas de piéton sur l'autoroute. Vous avez raison, il n'y a pas de piéton sur les autoroutes. Mais il y a des sens uniques. Et si je n'étais pas intervenu, vous l'auriez prise en sens contraire, l'autoroute. Je m'en serais rendu compte. Trop tard. Et vous auriez peut-être causé un accident. Écoutez, monsieur, je n'ai écrasé aucun piéton. Je n'ai causé aucun accident et vous êtes encore vivant. Tout le reste ne sont que des suppositions. Alors, selon vous, vous êtes prête pour vous lancer sur les routes? Oui. Ça promet. Bien, c'était votre dernière leçon de conduite avant l'examen, mademoiselle. Oui. Selon vous, vous êtes prête à vous lancer sur les routes? Évidemment. Cela fait 6 mois que je conduis maintenant. Il n'y a pas de problème. Et je n'ai plus peur de tenir un volant entre les mains. Vous, vous n'avez peut-être plus peur. Mais moi, si. Pourquoi? La leçon ne s'est pas bien passée? Je n'ai pas eu d'accident. Parce que j'étais à côté de vous. Parce que je vous demandais de ralentir toutes les 5 minutes. Parce que je vous signalais les stops et les sens uniques que vous n'aviez pas remarqués. Je ne les avais pas remarqués parce que vous parliez sans arrêt. Je ne peux pas conduire avec quelqu'un qui bavarde tout le temps, ça me distrait. Et le piéton? Quel piéton? Le piéton que vous avez failli écraser. C'était de sa faute, il ne devait pas traverser au moment où le feu passait au vert. Alors, si je n'avais pas été là, vous ne vous seriez pas arrêté? Non. Et vous l'auriez écrasé? Mais non, je lui aurais fait peur, c'est tout. Ça lui aurait servi de leçon et il n'aurait pas recommencé. Et l'autoroute? Il n'y avait pas de piéton sur l'autoroute. Vous avez raison, il n'y a pas de piéton sur les autoroutes. Mais il y a des sens uniques. Et si je n'étais pas intervenu, vous l'auriez prise en sens contraire, l'autoroute. Je m'en serais rendu compte. Trop tard. Et vous auriez peut-être causé un accident. Écoutez, monsieur, je n'ai écrasé aucun piéton. Je n'ai causé aucun accident et vous êtes encore vivant. Tout le reste ne sont que des suppositions. Alors, selon vous, vous êtes prête pour vous lancer sur les routes? Oui. Ça promet. C'est l'occasion. Vous êtes blessé? Non, heureusement, mais nous avons eu très peur. On ne devrait pas rouler avec un brouillard pareil. On a une visibilité très médiocre. C'est bien ce que je disais à mon mari, mais il avait un rendez-vous de travail très important. Le mien aussi. Je n'ai rien pu faire pour qu'il change d'avis et voilà le résultat. Nous n'avons même pas terminé de payer cette voiture. Et la voilà réduite en 1000 morceaux. Personne n'a été blessé. C'est ça l'important, vous ne croyez pas? Vous avez raison. Espérons que nos maris réussiront à trouver une cabine téléphonique le plus vite possible. Il commence à faire froid. Quel désastre quand même. Regardez, tout est hors d'usage. Le volant, le tableau de bord, les phares, le capot, le coffre. Les pare-chocs, la carrosserie. Je crois qu'il n'y a rien à faire. On ne pourra jamais les réparer, ces voitures. Je crois que vous avez raison. J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture anglaise. Vous savez, avec le tableau de bord et le volant en bois. C'est très joli en effet. Moi, j'adore les voitures japonaises. Et cette fois, je crois bien que nous allons finalement l'acheter. C'est l'occasion, jamais. Pour vous aussi, la voiture anglaise. Alors, cet accident, c'est peut-être notre chance. C'est certainement notre chance. Quelle belle journée! Vous êtes blessé? Non, heureusement. Mais nous avons eu très peur.